Bonjour à toutes, bonjour à tous, Serge en votre compagnie pour ce nouveau numéro de Coup de cœur. Leur avenir est consacré à une grande artiste française, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, coup de projecteur sur Nicole Croisi. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontrée. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi pour la première fois, je me suis enfin sentie. Ressemblait un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et pareil de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme. Et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis en. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Alors, beaucoup de choses à dire, puisqu'il s'agit d'une artiste multidisciplinaire et puis d'une longue carrière également. Beaucoup de chansons à entendre, puisque notre émission, elle est avant tout musicale, donc je ne perds pas de temps. Tout a commencé le 9 octobre 36, c'est la date de naissance de Nicole Croisy, c'est son vrai nom, à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, d'une mère pianiste et d'un père directeur d'une agence de tourisme. La petite fille montre des dispositions pour la danse et le chant. Dès l'âge de 8 ans, elle fait des pointes à l'opéra. Son père ne voit pas ça d'un très bon œil, cette passion pour les planches, et lui interdit de passer l'examen d'entrée pour devenir petit rat, alors que c'est son rêve de toujours. Alors adolescente, elle prend des cours de dactylo pour ne pas éveiller les soupçons paternels, tout en suivant les cours de la Comédie Française dont elle intègre finalement le corps de ballet. Pendant plus de 10 ans, Nicole Croisy suit les cours de Marcel Marceau, ce qui lui permet d'effectuer une première tournée avec le maître mondialement reconnu de la pantomime, rappelez-vous, notamment en Amérique du Sud. Nous sommes en 1957. De retour en France, elle fait ses premiers pas professionnels comme danseuse dans la revue de Joséphine Becker et également pour les ballets du bourgeois gentilhomme. Puis elle obtient un des premiers rôles de la comédie musicale L'apprenti fakir avec Jean Marais. Mais hélas, ce spectacle avant-gardiste s'arrête au bout d'un mois de représentation. On la retrouve dans un premier break musical, Parlez-moi de lui. Puis Joséphine Becker, que j'ai citée il y a quelques instants, elle nous chantera bien sûr J'ai deux amours. Soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Comment? Jet. À Nancy sur 94.2. On dit qu'on est là. battant les bras et le cœur battant des mois. À mi-voix, doucement je dis, emporte-moi. Ton pays est Paris, pars toujours, ton cœur est ravi, ta savane est belle, mais à quoi bon mourir? C'est ton rêve joli. J'ai deux amours. Mon pays est Paris. C'est un petit peu la richesse de notre émission, pouvoir vous diffuser des titres que vous n'écouterez et que vous n'entendrez probablement pas ailleurs. On revient à Nicole Croisy. Parallèlement à ses activités que je vous ai décrites avant la pause musicale, elle aime fréquenter les caves de Saint-Germain en amateur, où son timbre de voix est fort justement apprécié. Lors de son premier séjour aux États-Unis avec la troupe du Mime Marceau en 1960, elle découvre l'ambiance feutrée et enfumée des clubs de jazz de Chicago. Parfaitement bilingue, elle joue quelques soirs avec des musiciens noirs et découvre les problèmes raciaux quand on lui demande de ne pas se montrer avec ses accompagnateurs en dehors de la scène. Ses partenaires d'alors la surnomment Soul Sister. Ses débuts discographiques ont lieu entre 1961 et 1963, où elle enregistre 5 Super 45 Tours, qui disposait de 4 titres, et également un album. Elle chante notamment l'adaptation de Alléluia, I Love Her So de Ray Charles, et présente une jolie version de Nous les Amoureux que Jean-Claude Pascal interprétait pour la victoire au concours Eurovision de la chanson. Pendant un mois en 1961, elle fait la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Pourtant, à cette époque, la vogue est au chanteur yéyé et Nicole Croisy ne trouve pas encore la place qu'elle mérite auprès du public. On la retrouve dans Nous les Amoureux, puis Ray Charles, Alléluia, I Love Her So. Nous les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux. Mais l'heure va sonner des nuits moins difficiles. Et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, Dieu nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors les sans amour et les mal aimés, il faudra bien nous acquitter. Vous qui n'avez jamais été condamnés, nous les amoureux, les amoureux. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. If I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman. Si vous nous rejoignez, sachez que notre coup de cœur aujourd'hui est consacré à Madame Nicole Croisi. On est en 1964 et à cette époque, elle retourne aux États-Unis en tant que meneuse de revue sur plusieurs tableaux d'un spectacle des Folies Bergères présenté à Broadway. Finalement, elle y reste un an où elle a l'occasion notamment de travailler avec le chorégraphe Lester Wilson ou encore le compositeur Lalo Schifrin. À son retour en France, elle fait la rencontre de Claude Lelouch qui sera déterminante pour la suite de sa carrière. En 1966, elle connaît un succès planétaire, bien sûr, à coup de Shabadabada, pour la chanson du film Un homme et une femme qu'elle interprète en duo avec Pierre Barou. Tout ça sur une musique de Francis Lai. Elle restera fidèle à son réalisateur et son compositeur fétiche pour d'autres films, notamment Vivre pour vivre ou encore Itinéraire d'un enfant gâté. Allez, on revient sur ce titre qui est incontournable. Après des débuts de reporter journaliste, Claude Lelouch s'oriente au début des années 60 vers la réalisation de Scopitone pour les idoles du moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Scopitone sont ni plus ni moins que des clips qui étaient diffusés sur des jukebox avec l'image sur des téléviseurs, dans les bars, dans certains restaurants, etc. Parallèlement, il commence à réaliser ses premiers films, notamment Le propre de l'homme ou L'amour avec des si, qui restent relativement confidentiels et reçoivent même un accueil sévère de la part des critiques. Malgré cela, il ne désespère pas et continue de tourner des longs métrages. En septembre 65, alors qu'il est en plein doute après l'échec du film Les Grands Moments, il se retrouve sur la plage de Deauville et aperçoit au loin une femme qui se promène avec sa petite fille. Son imagination fertile lui fait alors inventer la vie de cette femme et lui donne l'inspiration pour un nouveau film. C'est ainsi qu'est né Un homme et une femme, une belle histoire d'amour entre Anne Gauthier, interprétée par Anouk Aimée, et Jean-Louis Duroc, joué par Jean-Louis Trintignant. Il s'agit de deux veuves qui sont inconsolables et qui finissent par s'aimer passionnément. Claude Lelouch sait toute l'importance de la musique dans un film. Il demande à son ami Pierre Barou, également acteur dans le film, de lui trouver des mélodies imparables pour soutenir toute l'émotion de son scénario. Pierre se met alors au travail avec son complice, Suisse, le compositeur Francis Lai, connu pour avoir notamment composé des chansons pour Jacqueline Dano, Juliette Gréco, Yves Montand et Marcel Mouloudji. En quelques semaines, Francis Lai crée une dizaine de mélodies. Satisfait de ses compositions, il demande à Claude Lelouch de venir chez lui pour les lui faire écouter. Le réalisateur se rend donc chez Francis, mais en découvrant les morceaux qu'il joue au piano, le réalisateur n'est pas franchement emballé. Alors qu'il s'apprête à repartir déçu, Francis Lai le rattrape et lui propose d'écouter une dernière mélodie. Il se remet donc au piano et joue une musique à mi-chemin entre le jazz et la bossa nova, sur laquelle Pierre Barou fredonne le texte qu'il a écrit avec ce fameux « dabadabada ». Immédiatement, Claude Lelouch est attiré par l'originalité de cet air et donne rendez-vous aux deux hommes le lendemain dans un studio pour enregistrer une maquette de la chanson « Un homme et une femme ». Après cette première maquette, l'idée de rajouter une voix féminine à celle de Pierre Barou naît dans l'esprit de Francis Lai. C'est ainsi que la merveilleuse voix jazzy de Nicole Croisy se retrouve dans cette chanson qui fait le tour du monde et devient un standard. Dès la sortie du film en mai 66, cette chanson entre dans le cœur du public qui, en l'entendant, revit immédiatement certaines scènes de ce chef-d'œuvre du 7e art. On l'écoute tout de suite, puis ce sera Jacques Brel, Vesoul. Belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as voulu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as voulu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as voulu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as voulu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as voulu aimer ta mère, on a quitté sa sœur, comme toujours. Chauffez les gars. En 1968, Nicole Croisy signe un autre tube, mais cette fois-ci en adoptant un pseudonyme pour les besoins de la chanson du film Les Jeunes Loups de Marcel Carné. I'll Never Leave You est en effet le seul succès d'une artiste éphémère, puisqu'elle s'était faite appeler Tuesday Jackson, mais elle a bien sûr repris très vite son identité pour la suite de sa carrière. L'année suivante, Nicole Croisy interprète Quand nous n'aurons que de la tendresse. Il faut attendre 1973 pour qu'elle s'impose véritablement avec un répertoire sur mesure, avec des titres signés par de grands auteurs et compositeurs tels Pierre Delanoë, Claude Lemel ou encore Pierre Bachelet. Toute la France est alors sous le charme de celle qui symbolise la féminité et la tendresse avec Une femme avec toi que l'on a écouté, La Garonne, Téléphone-moi, Emma, parmi les nombreux succès qu'elle enchaîne pendant quelques années. Je vous propose maintenant de retrouver Tuesday Jackson, I'll Never Leave You, et puis Pierre Bachelet, un de ses compositeurs dans Elle est d'ailleurs. I'm not

On revient à Nicole Croisi, un répertoire plus proche de celui de ses débuts séduit les amateurs de jazz qu'il ovationne en 1988 au Bataclan de Paris, bien sûr, et lors des 180 concerts qu'elle donne alors en province. Puis un nouvel album métissé vient enrichir la discographie de la chanteuse 2 ans plus tard, ça s'appelle Black et Blanche, et devient en 1991 un spectacle haut en couleur avec 40 choristes sénégalais au Casino de Paris. Un autre rêve se réalise en 1992. En effet, elle reprend la comédie musicale « Hello Dolly » au Théâtre du Châtelet, en version originale, accompagnée d'une troupe entièrement américaine. Sa performance est saluée par les inconditionnels du genre. Après des expériences de comédienne des Misérables de Claude Lelouch sur grand écran et dans la comédie « Folle Amanda » au théâtre, elle fête ses 40 ans de carrière à l'Espace Pierre Cardin en 1997. Nicole Croisi retourne au Québec pour la sortie de l'album Piano et Voix et elle triomphe aux Francopholies de Montréal en 1998. Également, la télévision lui fait appel pour des séries et des téléfilms les années suivantes et elle surprend ses admirateurs en reprenant sur les planches le rôle de Jacqueline Maillan dans Coup de soleil. En 2001, c'est la sortie d'un album de reprise de ses plus grands succès, incluant 2 titres inédits, et qui donne lieu à la création d'un spectacle acoustique, piano et percussion. Puis en 2002, Nicole Croisi présente son nouveau concert, De vous à moi, composé d'un florilège de ses plus grands succès, choisi à la volée par les spectateurs au théâtre de 10h. Elle enchaîne avec une tournée dans toute la France jusque fin 2003. On la retrouve dans une de mes chansons préférées, Itinéraire d'un enfant gâté. C'est une ambiance un peu cirque. Découvrez si vous ne connaissez pas cette chanson, elle est très très jolie. Qui viendra encore me faire le cirque des amours nostalgiques dans la poussière? Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière. Qui viendra me traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique? public retrouve Nicole Croisy une nouvelle fois au théâtre de 10h en 2006 dans le cadre d'un spectacle consacré à Claude Nougaro. Ça s'appelle Nougaro, le jazz et moi. Nicole Croisy y chante les plus grandes chansons du Toulousain ainsi que son propre répertoire et des standards de jazz. Cette création, qui sort dans un disque éponyme fin 2006, rencontre un joli succès et s'exporte en province et au Grand Rex, à Paris notamment, le 3 février 2007. En 2008, la chanteuse enregistre un album aux tonalités brésiliennes, le titre Bossa d'hiver, avec le compositeur québécois Daniel Mercure. Et le 27 mars 2008, elle se produit au Casino de Paris en chantant ses propres succès et encore le répertoire de Nougaro. Un album enregistré au Québec et intitulé « Tu me manques » sort un peu plus tard. « Tu me manques », c'est le titre que l'on découvre tout de suite, puis le fameux Claude Nougaro, le cinéma. Étions heureux. Allons, allons. J'aurais besoin d'une phrase, d'un mot, d'un soupir amoureux. J'aurais dû tenir et nous faire confiance. Tu me manques. Nous traversions ensemble d'incroyables tourmente, tu me manques. Je téléphone d'un pays qui disait que la vie était belle. Allô, allô. Tu dessinais des voiliers dans le ciel. Est-ce que tu te rappelles? J'aurais dû m'offrir une dernière chance. Tu ensemble, la vie souvent méchante, tu me manques. Où sont passées les étoiles filantes qui nous emmenaient au-dessus des toits? Je les revois parfois quand elles dansent dans ma mémoire. Jet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. L'année 2009 est en fait marquée par des problèmes de santé pour Nicole Croisi, avec notamment une opération des genoux, problème lié à son passé de danseuse justement. Du coup, l'artiste est obligée de rester immobilisée un grand moment. Elle reprend ensuite le théâtre avec la pièce Jalousie en 3 mails au printemps 2010. Ce sera ensuite la reprise des monologues du vagin. Le 15 décembre 2010, le ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, l'a fait chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. En avril 2011, elle se produit au petit journal Montparnasse pour deux soirées consacrées à Claude Nougaro. À l'automne, Nicole Croisi publie un best-of avec un inédit Infiniment d'amour. Elle fait son retour sur scène à Paris à l'Alhambra en octobre avec un spectacle intitulé Simplement. 2013-2014, on voit Nicole Croisi sur quelques scènes françaises, tout comme en 2015, où elle rend un nouveau hommage à Claude Nougaro dans le Lot, lors de trois concerts à Cahors, Figeac et Saint-Céré. À la fin de l'année 2015, elle est meneuse de revue dans Irma la Douce, mise en scène par Nicolas Briançon au Théâtre de la Porte Saint-Martin, aux côtés notamment de Laurent Deutsch et Marie-Julie Baupe. Lassée des tours de chant qu'elle ne refuse pourtant pas, eh bien elle semble s'épanouir désormais sur les scènes de théâtre. Elle enchaîne en effet en 2016 avec L'Opéra de Quatre Sous de Kurt Weill et Bertolt Brecht avec la compagnie Opéra Éclaté. L'occasion pour l'artiste touche-à-tout de prendre la route comme à ses débuts avec une troupe. En 2017, elle enchaîne à nouveau deux projets. L'un musical autour de l'œuvre d'Éric Satie intitulé Night in White Satie au théâtre du Balcon à Avignon. Un bel hommage au musical à l'occasion des 150 ans de la naissance du musicien. Et l'autre projet, cette fois-ci théâtral, Jeanne de Jean-Robert Charrier au théâtre du Petit Saint-Martin, une pièce tendre sur la vieillesse. À 82 ans, Nicole Croisi ose encore et prend un virage à 180 degrés pour interpréter une vieille dame totalement désinhibée, un rôle à 10 000 lieues de celui de la vieille femme acariâtre de son précédent spectacle. Ça s'appelle Hard, c'est le nom de la pièce de son compère Nicolas Briançon qui parie sur l'effet de surprise. Qui aurait en effet imaginé Nicole Croisi à plus de 80 ans parler de sexe dans une pièce évoquant l'industrie du cinéma porno? L'artiste ne semble pas vouloir prendre sa retraite et continue à entretenir sa voix et se maintenir en forme, forçant ainsi l'admiration de la critique et du public. Elle fait partie de ceux qu'on nomme avec admiration les artistes complets, de ces perles rares qui ont tout au long de leur existence exploré toute la gamme de leurs talents. C'est décidé, cette nuit, je pars. Il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler et lui dire que je le quittais. Mes yeux se posent ici et ailleurs. Les souvenirs me parlent au cœur. J'ai besoin d'entendre ta voix. Le courage me manque. Aide-moi. Tu m'aimes. 60 minutes, c'est vrai qu'on ne peut pas les compresser, on ne peut rien y faire, c'est 60 minutes. Alors je vous quitte avec Nicole Croisy. La semaine prochaine, un autre artiste totalement différent, une autre génération, puisqu'on consacrera notre émission à Christophe Maé. Soyez au rendez-vous, je vous attends nombreux. D'ici là, passez de bons moments, une bonne semaine, et puis rendez-vous jeudi à partir de 17h sur 94.2. Bye bye.